Le comité préparateur du Nord de la conférence conjointe de toutes les organisations politiques et sociales et personnalités du Nord, du Sud et d'Outre-mer pour la paix et la réunification indépendante dans la péninsule coréenne a publié le 8 courant un communiqué suivant. L'Assemblée générale du comité préparatoire du Nord de la conférence conjointe de tous les partis politiques, organisations et personnalités pour la paix et la réunification indépendante dans la péninsule coréenne a eu lieu le 8 à Pyongyang en présence des membres du comité préparatoire du Nord et des officiels intéressés. On y a informé en détail de l'état de la réunion des experts du Nord, du Sud et d'Outre-mer tenue à Shenyang, Chine, du 30 novembre au 1er décembre. Tous les participants ont déclaré unanimement qu'il faut ouvrir à tout prix un grand rendez-vous pan-national pour la réunification grâce à la participation active et à l'ardeur enthousiaste des délégués de toutes les organisations politiques et sociales, ainsi que des personnalités de tous les milieux du pays et de l'extérieur, afin de mettre fin à la méfiance, à l'antagonisme, à l'hostilité et à la confrontation intercoréenne et de marquer un tournant fondamental dans l'œuvre pour la paix et la réunification indépendante du pays. Les participants ont discuté des préparatifs pour la réunion pan-nationale et des moyens pour sa réussite avant d'adopter des résolutions nécessaires. On a décidé de baptiser le grand rendez-vous « Conférence pan-nationale pour la paix, la réunification de la patrie et le développement des rapports Nord-Sud » selon l'accord convenu à la réunion des experts du Nord, du Sud et d'Outre-mer, et nommer les membres du comité des experts du Nord suivant la décision de fonder au cours de cette année le comité commun des experts du Nord, du Sud et d'Outre-mer dans le cadre de la préparation de la conférence pan-nationale. Lee Sun-gun, président du comité pour la réunification pacifique de la patrie, et Pang Myung-chul, directeur du secrétariat du comité central du Front démocratique pour la réunification de la patrie, ont été élus en supplément vice-président du comité préparatoire du Nord de la conférence pan-nationale.